Pendant que Lisbeth faisait cet aparté à Crevel, Valérie avait redemandé sa lettre à Venceslas et elle lui tenait à l'oreille des propos qui dissipaient sa tristesse. « Te voilà libre, mon ami, » dit-elle. « Est-ce que les grands artistes devraient se marier ? Vous n'existez que par la fantaisie et par la liberté. Va, je t'aimerai tant, mon cher poète, que tu ne regretteras jamais ta femme. Mais cependant, si comme beaucoup de gens tu veux garder le décorum, je me charge de faire revenir Hortense chez toi dans peu de temps. Oh, si c'était possible ! J'en suis sûre, dit Valérie, piquée. Ton pauvre beau-père est un homme fini sous tous les rapports, qui, par amour-propre, veut avoir l'air d'être aimé, veut faire croire qu'il a une maîtresse, et il a tant de vanité sur cet article que je le gouverne entièrement. La baronne aime encore tant son vieil Hector, il me semble toujours parler de l'Iliade, que les deux vieux obtiendront d'Hortense ton raccommodement. Seulement, si tu ne veux pas avoir des orages chez toi, ne reste pas 20 jours sans venir voir ta maîtresse. Je me mourrai. Mon petit, on doit des égards quand on est gentilhomme à une femme qu'on a compromise au point où je le suis, surtout quand cette femme a bien des ménagements à prendre pour sa réputation. Reste à dîner, mon ange. Et songe que je dois être d'autant plus froide avec toi que tu es l'auteur de cette trop visible faute. » On annonça le baron Montès. Valérie se leva, courut à sa rencontre, lui parla pendant quelques instants à l'oreille et fit avec lui les mêmes réserves pour son maintien qu'elle venait de faire avec Venceslas, car le Brésilien eut une contenance diplomatique appropriée à la grande nouvelle qui le comblait de joie. Il était certain de sa paternité, lui. Grâce à cette stratégie basée sur l'amour-propre de l'homme à l'état d'amant, Valérie eut à sa table, tous joyeux, animés, charmés, 4 hommes se croyant adorés et que Marneffe nomma plaisamment à Lisbeth en s'y comprenant les 5 pères de l'Église.